par honteux, me mène à sa couche. La beauté de son visage me touche. Ne pas la réveiller, simplement la regarder en silence. Cette fois, mes farouches, vie d'un doux baiser. Battant me rapprocher d'elle, murmurer au creux de l'oreille, que dans toutes mes pensées, que je l'aime à en crever en silence. Simplement la désir. Certaines d'entre elles donneraient des ailes. Certaines aussi